Le mari de la reine, par Louis de Robert. C'était un dimanche, jour de Pâques. Madame Préambule, la première femme qui obtint le Grand Prix de Rome pour la musique, Lucie Préambule, le célèbre compositeur de Bérénice, était arrivée la veille avec son mari dans leur propriété de Biarritz. Par la fenêtre de son cabinet de toilette, en cette douce matinée d'avril, celui-ci admirait sa chère pelouse, ses beaux arbres retrouvés. C'était un petit homme svelte, de visage agréable, toujours souriant, un peu effacé, comme il convient au mari d'une femme célèbre. Partout où ils allaient dans le monde, à dîner, au spectacle, on voyait une créature éblouissante, aux traits connus, au beau regard magnétique, entourée, fêtée, adulée, qui trônait à la place d'honneur, et un petit homme obscur, mêlé aux comparses, relégué au bout de table, qui était lui. Après 10 ans de mariage, il n'était pas encore revenu de sa surprise émerveillée. Que Lucie l'eût admis à partager sa vie, cela se pouvait-il? Elle lui disait souvent « Comme ta tendresse simple me repose ». Et cette parole, qui voulait être affectueuse, marquait la distance qui existait entre eux. Ah, qu'il se sentait terne, en effet, médiocre, insignifiant, auprès de cet être rayonnant de tous les feux de l'intelligence, du talent et du succès. Silencieux et fervent, il vivait dans son ombre, il était son ombre. Soudain, dans le silence de la maison, à l'étage supérieur où sa femme avait fait installer une sorte de studio pour son usage personnel, il se fit un grand bruit de choses renversées accompagné du bruit plus sourd d'un corps qui tombe. « Oh mon Dieu !» fit M. Préambule. « Pourvu que Lucie... » En quelques secondes, il fut dans le studio, tandis que la femme de chambre y arrivait par une autre porte. « Ce n'est rien, » leur dit Madame Préambule, qu'ils trouvèrent un peu pâle, assis sur un divan. « Ce n'est rien. J'ai voulu monter sur une chaise pour atteindre cette étagère et la chaise a glissé. Et tu es tombé. Je le dis toujours, ces parquets sont trop cirés. Cela devait arriver. Tu souffres ? Non, non, ne te lève pas. Tu boites. Tu vois, tu es blessé. Ce n'est rien. Estelle, aidez-moi à retirer le bas de Madame. » Mais c'est une entorse, pourvu que ce ne soit pas plus grave. » Cela l'inquiétait fort, car Madame Préambule était, au bout de 10 ans de mariage, dans ce qu'il est convenu d'appeler une position intéressante. Elle voulut le rassurer. « Non, non, une simple courbature, peut-être un peu de douleur au rein, mais ce devait être musculaire, parce qu'en tombant, elle avait fait un vain et maladroit effort pour se redresser, pour se raccrocher à quelque chose. » Une heure plus tard, Madame Préambule, étendue sur son lit, recevait la visite du médecin que le mari harcelait de questions. « Docteur, vous ne pensez pas que des complications soient redoutées ?»« Des complications, non. Madame Préambule n'a pas le diabète. »« Ce n'est pas cela que je veux dire. Vous avez pu remarquer sans doute que nous attendons un bébé. Est-ce qu'une répercussion n'est pas à craindre de ce côté-là ? » »« Je ne pense pas. J'espère que non. Nous serons d'ailleurs fixés dans 2 ou 3 jours. » Après le départ du médecin, M. Préambule se souvint d'avoir vu dans le studio les tiroirs ouverts d'un secrétaire où sa femme rangeait ses papiers personnels. Afin de soustraire ceci à la curiosité des domestiques, il monta. Arrêté devant le secrétaire, il s'apprêtait à en refermer les tiroirs, lorsque l'écriture de leur ami Jean Hedeline, le célèbre poète, attira son attention. Il y avait là quelques lettres éparses que Lucie était en train de relire sans doute avant que l'accident se produisit. M. Préambule prit avec une curiosité innocente l'une de ses lettres et tressaillit. « Qu'il soit le bienvenu, cet enfant, » écrivait Hedeline. « Sans l'avoir fait exprès, sans l'avoir désiré, nous l'avons tiré de la multitude infinie des vies qui n'ont pas encore commencé. Sais-tu depuis combien de temps il attendait de naître, quels désirs, quelles idylles, quelles larmes ont, avant notre union, préparé sa venue au monde ? Il faut à la nature tant de patience, de soins, d'éléments, de circonstances pour créer un être supérieur. Si nous admettons que la vie a un sens, que chacun de nous a un but, que rien ni personne ni aucun de nos actes n'est inutile, comment ne pas voir en cet enfant l'aboutissement merveilleux de ce trouble étrange et doux qui nous a donné l'un à l'autre, de cette force qui, malgré tous les obstacles, a uni nos lèvres? S'il est vrai que je sois celui dont tu portais depuis l'enfance le désir obscur et poignant, s'il est vrai que nous ayons marché l'un vers l'autre à travers les erreurs, le doute, les rencontres fortuites, les bons et les mauvais hasards, s'il est vrai que je sois l'homme que tu devais aimer, comme tu es celle que j'ai toujours attendue, notre amour devait réaliser ce vœu. Le papier tremblait entre les doigts de Monsieur Préambule. Ses yeux se voilaient. Il éprouvait à la gorge une contraction qui l'empêchait de respirer. Pourtant, il fit un effort sur lui-même et reprit sa lecture. Qui sait si cet enfant ne porte pas en lui la réalisation magnifique de ce que nous n'avons fait qu'ébaucher, s'il n'est pas confondu et totalisé en un seul être tout ce qu'il y avait de supérieur, de beau, mais d'incomplet en nous? Et dût-il ne pas être ce cerveau exceptionnel? Ne fut-il qu'un individu sans éclat, perdu dans le troupeau humain? Quelle douceur n'éprouverais-je pas à retrouver dans un autre être ton cher regard, le son de ta voix? Sans doute, il est destiné à vivre sous un autre nom que celui de son père, à porter toute sa vie comme un déguisement. Mais je saurai qu'il est à moi. » Une larme tomba sur l'écriture d'Edeline, mais ce préambule n'avait rien d'un héros. Ce n'était qu'un pauvre malheureux et plein d'humilité. Il sentait l'action que ces belles phrases, que cette musique verbale, devaient avoir sur l'esprit de Lucie. Lui ne savait que l'aimer en tremblant, que l'admirer en silence. Sa tendresse simple la reposait. Cela n'était pas grisant. Or, elle avait besoin de s'exalter, d'ouvrir les ailes de sa fantaisie, de s'évader parfois de l'atmosphère médiocre de son foyer. Est-ce qu'il ne lui arrivait pas, durant leurs instants d'intimité, d'être distraite, absente? C'est qu'elle avait pris son vol vers des régions inconnues de lui, et pendant ce temps, il se sentait lourdement fixé au sol par des souliers de plomb. Prestige de l'art. Au moins, Edeline était un partenaire digne d'elle. Le talent n'a-t-il pas certains droits? Une telle artiste n'échappait-elle pas à la commune mesure? Ah, pourquoi ce secrétaire s'était-il trouvé ouvert? Pourquoi avait-il cédé à ce mouvement de funeste curiosité? Il eût pu si bien continuer à vivre, tranquille et confiant, sans savoir. 3 jours après, Madame Préambule mettait au monde, privée de vie, un enfant de 5 mois. La chose eut lieu par une belle journée douce et dorée comme le printemps prodigue sur cette côte basque au climat contrasté. Les sentiments qui agitaient son cœur, Monsieur Préambule n'aurait su les définir. S'il avait vécu, ce petit étranger, le croyant son père, aurait cherché instinctivement sa main pour guider ses pas. Comment ne pas répondre à cette confiance innocente par un peu de tendresse et de sollicitude? Pourtant, il n'aurait pu le chérir. Ainsi le destin avait bien fait les choses. Alors, s'approchant du lit où sa femme affaiblie le regardait venir avec un sourire languissant, ce préambule, sans une parole, reprit sa place auprès de cette créature à la destinée éblouissante qui pouvait tout se permettre sans qu'il cessât de l'aimer, sans qu'elle sût même qu'il savait. C'était « Le mari de la reine » par Louis de Robert.